Aïe, mourir pour toi. À l'instant où ta main me frôle, laisser ma vie sur ton épaule, bercé par le son de ta voix. Aïe, mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde, en emportant mon plus beau jour. Pour garder notre bonheur car il est là, ne pas connaître la douleur par toi, et la terrible certitude de la solitude. Aïe, mourir pour toi, prendre le meilleur de nous-mêmes, dans le souffle de ton je t'aime, et m'endormir avec mes joies. Parle-moi, console-moi, j'ai peur du jour qui va naître, il sera le dernier peut-être que notre bonheur va connaître. Serre-moi, oh apaise-moi, quand j'ai l'angoisse du pire. Non, non, ne dis rien quand tu m'entends dire qu'au fond mourir pour mourir. Aïe, mourir pour toi, à l'instant où ta main me frôle, laisser ma vie sur ton épaule, bercé par le son de ta voix. Aïe, mourir d'amour, t'offrir ma dernière seconde, et sans regret quitter le monde, en emportant mon plus beau jour. Pour garder notre bonheur comme il est là, ne pas connaître la douleur par toi, et la terrible certitude de la solitude. Aïe, aïe, mourir pour toi, prendre le meilleur de nous-mêmes, dans le souffle de ton je t'aime, et m'endormir avec mes joies. Mourir pour toi.